Leçon 5, pages 102 et 103. Activité 2, 3 et 4, piste 94. C'est quand ton anniversaire ? C'est en février, le 15 février. Comment vous fêtez ça ? On fait un pique-nique où on se promène. On mange, on chante et on s'amuse. Eh bien, une promenade à vélo maintenant, ça te dit ? Avec plaisir. Tu viens avec nous, Alice ? Non. Merci, je ne me promène pas aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée.